Comment passer en un instant du statut de pays voyou à celui de pays respectable? C'est très simple. Il faut faire plaisir aux États-Unis et surtout leur permettre de siphonner votre pétrole. J'exagère naturellement, mais il faut bien admettre que la réhabilitation express de la Libye, admise à nouveau à prendre sa place dans le concert des nations, a de quoi surprendre. Bien sûr, le colonel Kadhafi a fait patte de velours, il a admis posséder des armes de destruction massive et s'est engagé à les détruire, et s'est promis, il cessera de se mêler de ce qui ne le regarde pas, mais il faut se rappeler que c'était le même homme que le président Reagan traitait de chien enragé du Proche-Orient dans les années 80. Et il n'y a pas si longtemps, tout de suite après la tragédie du 11 septembre 2001, Washington considérait que la Libye était l'un des 7 pays qualifiés de commanditaires du terrorisme. Le revirement est donc spectaculaire et je vous l'ai dit, il a un fort goût de pétrole. Car le sous-sol libyen est riche, très riche, plus riche même que le sous-sol algérien. Et aux yeux des experts, il est encore sous-exploité. D'autre part, il est certain que Kadhafi avait besoin de rétablir une situation sociale dégradée et une économie en perte de vitesse. Son intérêt immédiat était donc de se rapprocher de ces anglo-saxons dont il avait dit pique-pendre pendant de si longues années. Mais, il faut le souligner, si Kadhafi, au cours des négociations secrètes qui ont été menées avec les États-Unis et la Grande-Bretagne, a été conduit à faire beaucoup de concessions, ses interlocuteurs ne lui ont demandé à aucun moment de rétablir la démocratie dans son pays et d'y respecter les droits de l'homme. La contrition de Kadhafi est donc bien limitée et George W. Bush et Tony Blair ont semblé s'en accommoder très facilement. Passons. Et revenons avec M. X sur les relations tumultueuses de la Libye avec les États-Unis, en particulier sur les raids aériens américains de 1986, des raids dont l'objectif était vraisemblablement l'assassinat du leader libyen. Et vous vous apercevrez que ce sujet est d'une brûlante actualité et que de nombreuses comparaisons s'imposent. Muammar Kadhafi, disons-le tout de suite, a tout pour agacer. Il est imprévisible, il est fantasque, il a une fâcheuse tendance à mettre son nez un peu partout. Ouais, c'est un trublion. Ouais, un ludion. Souvenez-vous de ses projets de mariage. Oui, de mariage politique, vous voulez dire. Ah, naturellement. Son grand rêve, qu'il a abandonné depuis, heureusement, c'était l'unité arabe. Et il va proposer la botte, enfin pardonnez-moi la grossièreté de cette expression, à pratiquement tous les pays de la région. À l'Égypte d'abord. L'Égypte de Kamal Abdel Nasser, qui est alors son modèle et son maître à penser. Oui, mais ça ne se fera pas, hein. Non, non. Nasser était bien trop prudent pour céder aux foucades de son jeune voisin. Alors il y aura ensuite la Syrie, le Soudan, la Tunisie, l'Algérie, le Tchad et même le plus lointain Maroc. J'imagine mal le roi Hassan II accepter cette union. Ouais, là, vous avez raison. Donc à chaque fois, ces propositions de mariage se traduiront par des échecs, même si certaines verront une amorce de réalisation. Tout ça pour vous dire que Kadhafi est un personnage surprenant. Oui, et qui aime surprendre. Ah, c'est exact. Il y a eu longtemps une sorte de vision messianique de son rôle dans le monde arabe. Il n'est pas inutile de souligner qu'il se fait appeler le guide. Cependant, vous le savez, il semble s'être calmé. Et les récents événements n'y sont sans doute pas pour rien. Ouais, c'est-à-dire la deuxième guerre du Golfe. Hein? Certainement. Kadhafi a eu peur. Et à mon avis, il a eu raison d'avoir peur. Mais nous en reparlerons, comme nous reparlerons des liens du leader libyen avec le terrorisme. Encore qu'il faille être très prudent, car on devrait être corrige. Ouais. Vous voulez dire qu'on a attribué à Kadhafi des actes terroristes dont il n'était pas le commanditaire ou le responsable? Oui. Ouais. Mais c'était assez pratique. Dès qu'une bombe sautait quelque part dans le monde, on voyait la main de Kadhafi. Au fond, un peu comme Al-Qaïda et Ben Laden aujourd'hui. Exactement. Hein. Comme si notre monde manichéen avait besoin de personnifier le mal, pour reprendre la fameuse expression de Bush. Enfin, n'allons pas trop vite et faisons un petit retour en arrière, si vous le voulez bien. C'est en 1969 que ce jeune capitaine de 27 ans, aidé par quelques autres officiers, chasse le vieux roi Idriss. C'est exactement l'imitation de Nasser en Égypte, alors. Tout à fait, mais enfin, je vous l'ai dit, Kadhafi s'inspire directement de Nasser. Ces officiers, libres, comme ils s'appellent eux-mêmes, mettent en place un pouvoir militaire collégial. Mais incontestablement, c'est Kadhafi qui mène le jeu. Alors, bon, sans approfondir à l'excès, hein, quelle est l'idéologie de ce mouvement des officiers libres, là ? C'est un curieux mélange. On y trouve du socialisme, de l'islamisme, puisque ces officiers prônent un strict respect du Coran. Mais cette idéologie emprunte aussi à Rousseau et même à Fourier. Le pouvoir doit être exercé par le peuple. Les masses, comme dit Kadhafi. C'est la naissance de la Jamaïria, la République arabe libyenne, populaire et socialiste. Et vous vous en souvenez sans doute, Kadhafi formalisera lui-même toutes ses utopies dans son petit livre vert. Vert, comme la couleur de l'islam. Oui, on assiste donc à la mise en place d'un pouvoir pyramidal. En bas, il y a de nombreux comités qui expriment les aspirations du peuple. Et en haut, il y a le guide qui est censé traduire ces aspirations dans les faits. Et ça marche tant bien que mal, parce que la sécurité d'État est très efficace et que la Libye est assise sur un véritable matelas d'or. Le pétrole. Oui, le pétrole, oui. Qui est alors la seule richesse du pays. Mais une richesse quasiment inépuisable. Et puis, ça donne rapidement des idées à Kadhafi. Mais que cherche-t-il, au fond? Le pétrole libyen a été découvert en 1961. Ouais. Il aurait même pu l'être avant, hein, si on avait suivi les géniales intuitions du français Courat Killian. C'est juste, et on en a déjà parlé, parce qu'on ne sait toujours pas dans quelles conditions ce grand ingénieur a trouvé la mort. Bon, donc, n'y revenons pas, mais dès la découverte de ces gisements de pétrole, les grandes compagnies internationales, mais elles sont surtout américaines, se précipitent en Libye, et avec l'aval du roi Idriss, elles commencent l'exploitation à grande échelle. En versant quand même des redevances sur le pétrole produit. Bah, naturellement. Ouais. Et alors, quand Kadhafi arrive au pouvoir? Il nationalise une grande partie de l'économie, mais il se garde bien de s'en prendre au secteur pétrolier. Alors que d'autres pays, ayant des systèmes, disons, politiques comparables, ont choisi au contraire de nationaliser leur industrie du pétrole. C'est exact. Mais Kadhafi, dans cette affaire, est exceptionnellement prudent. Pour une fois. Oui, et il attendra 1973 pour nationaliser à 51% les compagnies pétrolières installées dans son pays. Toutefois, peu après sa prise de pouvoir, il décide d'une importante augmentation du prix du brut. Oui, ça se traduit automatiquement par une augmentation des ressources de la Libye. Bien sûr. Et en 1973, rebelote, le prix du pétrole explose. Et avec lui, le produit national libyen. Ça permet à Kadhafi de lancer un vaste programme de modernisation et aussi des travaux pharaoniques. Oui, c'est l'irrigation, ouais, c'est ça. Oui, c'est une véritable rivière artificielle de près de 1000 km qui doit acheminer l'eau des grandes oasis du sud vers les côtes. Enfin, pressons le pas. Je vous en prie pour une fois. Allons. Bon, Kadhafi, je vous l'ai dit, se considère investi d'une mission. Oui, le panarabisme. Pas seulement. Au fond, l'ambition de ce type, c'est d'être l'opposant mondial numéro un. Oui, mais opposant à quoi alors? À l'impérialisme en général. Et comme il est riche, il va soutenir financièrement un certain nombre de mouvements révolutionnaires de libération ou d'inspiration tiers-mondiste. C'est ainsi, peu à peu, qu'il est amené à aider, et même parfois à accueillir en Libye, quelques organisations terroristes ou considérées comme telles. Carlos et les autres. En particulier, oui. C'est donc un adversaire naturel de l'Occident. Surtout des États-Unis et bien sûr d'Israël. Mais est-ce que pour autant il se rapproche de l'URSS? Non. Non, Kadhafi se méfie beaucoup des communistes et de ce qu'il faut bien appeler l'impérialisme soviétique. Par conséquent, il entretiendra toujours des relations distantes avec Moscou. Même si, progressivement, l'URSS deviendra son principal fournisseur d'armes. Mais, à mon avis, c'est uniquement parce que les pays occidentaux décréteront un embargo sur les livraisons de matériel militaire à destination de la Libye. Préalablement, la France a très largement contribué à armer Kadhafi. Oui, nous lui avons vendu pas mal de mirages, de super frelons et des tas d'autres choses. C'est vrai, mais pas seulement des avions, comme je le dis. Toutefois, vous le savez, nos relations vont se tendre avec la Libye. Oui, c'est à cause du Tchad, ça. Hein. Oui, après avoir échoué à unir son pays à l'Égypte puis à la Tunisie, Kadhafi regarde vers le Grand Sud. C'est-à-dire vers le Soudan et le Tchad. C'est ça, on reparlera du Soudan. Mais voyons d'abord le Tchad. Les deux pays ont un litige frontalier qui existe depuis des dizaines d'années. En fait, pour être plus précis, depuis que Laval et Mussolini se sont accordés pour se partager ces immenses territoires quasi désertiques. Et le différent, c'est la fameuse bande d'Aouzou. Oui, une bande de terre qui sépare les deux pays et qui a été attribuée au terme de ce partage au Tchad, qui était alors une colonie française. Dès 1973, Kadhafi ne fait pas mystère de ses visées expansionnistes. Et ça ne doit pas plaire à Paris. Ah, forcément. Le Tchad, bien qu'indépendant, fait encore partie du précaré de la France. Nous y entretenons d'ailleurs une importante garnison. Mais il n'y a pas que le Tchad. Kadhafi entretient l'agitation dans un certain nombre de pays africains francophones. Des pays de la France-Afrique, enfin, pour reprendre l'expression de Tchad. Oui, des pays indépendants, mais qui demeurent économiquement et politiquement très étroitement liés à notre pays. Et le Libyen, avec lequel nous entretenions d'excellents rapports lorsqu'il achetait nos armes, commence à nous agacer sérieusement. Et nous, vous voulez dire le gouvernement français? Bien entendu. Et bientôt, il va falloir prendre des mesures expéditives pour calmer le bouillant Kadhafi. Le calmer, le liquider, vous voulez dire? Pourquoi pas? Étrange et complexe personnage que Muammar Kadhafi. Voici par exemple ce qu'en disent Mouna Naïm et Patrice Claude dans un récent article du Monde, je les cite. Né dans une famille pauvre et très croyante de la tribu des Kadhafa, diplômé de la faculté de droit et de l'académie militaire de Benghazi, il fit aussi un stage de perfectionnement en Grande-Bretagne. Le colonel a toujours été un anticommuniste farouche. L'islam, qu'il pratique avec ferveur, sans jamais verser dans l'intégrisme, tient une place importante dans sa vision du monde. Longtemps, pour lui, être arabe, c'était forcément être musulman. Dans les années 80, à propos du Liban ravagé par la guerre civile, il n'hésitera pas à dire que l'erreur tient au fait qu'il existe des chrétiens dans ce pays et que les Arabes doivent lutter pour qu'ils deviennent tous musulmans. Kadhafi n'en prône pas moins un islam réformiste. Au mépris des accusations d'apostasie dont il est la cible de la part des barbus, il s'attaque aux convictions les plus rigides quant au statut de la femme qu'il fera énormément évoluer dans son pays, voire à l'authenticité de certaines paroles attribuées au prophète ou à la charia qu'il tient pour un droit positif parmi d'autres. La politisation de l'islam est sa bête noire. Dans les années 90, il aura d'ailleurs maille à partir avec ses islamistes et ne manquera plus jamais de rappeler à ses interlocuteurs que dès cette époque-là, il mettait tout le monde en garde contre Al-Qaïda. La lutte international désormais engagé contre l'organisation et ses clones, le comble d'aise, même s'il fait valoir qu'il faut traiter le mal à la racine et qu'il ne suffit pas de croiser le fer pour y arriver. Alors, ces tentatives pour se débarrasser de Kadhafi? Je vais aller très vite, car il semble que nous en avons parlé il y a très longtemps. Oui, je me souviens. C'est le SDEC, oui, l'ancêtre de nos services de renseignement actuels, qui va être mis à la tâche. Je suis hors du gouvernement, forcément. C'est l'Élysée qui dirige la manœuvre avec le chef du SDEC, le célèbre Alexandre de Maranche. Et nos services vont agir seuls. Et pourquoi? De qui auraient-ils pu attendre une coopération? De leurs homologues américains, par exemple. Parce que l'action souterraine de Kadhafi et le soutien qu'il accorde aux organisations terroristes les concernent aussi au premier chef. Mais non, les États-Unis ne veulent pas se mouiller. Alors qu'ils le feront plus tard, Vous avez raison, ça c'est paradoxal. Mais il faut pas oublier qu'au milieu des années 70, la CIA traverse alors une des plus graves crises de son histoire. Alors, il nous faudra compter sur quelques collaborations régionales. Celles des services égyptiens, par exemple, qui n'ont plus qu'assez de leur bouillon voisin. Alors, qu'est-ce qui est prévu? On tente d'abord d'inciter un compagnon de Kadhafi de faire un putsch. Mais ça échoue lamentablement. Puis on encourage les opposants... Quand vous dites on, c'est toujours les Français. Hein. Oui. Et on encourage donc les opposants libyens exilés. On leur donne même un petit coup de main pour effectuer des opérations de commando à l'intérieur même du territoire libyen. Là non plus, ça n'est pas très probant. Pourquoi? Parce que les services de sécurité libyens sont efficaces? Très efficaces, oui. Alors nos services doivent passer à la vitesse supérieure. Parce que Kadhafi en prend de plus en plus à son aise. Il suscite une insurrection en Tunisie. Une opération qui est jugulée par l'intervention directe du service action du SDEC. Il y aura des dizaines de morts. Et ça nous vaudra la mise à sac de notre ambassade à Tripoli. Et donc une quasi-rupture avec la Libye. Évidemment. Mmh. Ça ne s'arrange pas parce que Kadhafi fait les yeux doux à l'empereur Bokassa. Bokassa qui est devenu l'ennemi personnel du président Giscard d'Estaing. Ah oui, ça c'est l'affaire des diamants. Oui, bien sûr. Et notez-le bien, lorsque Bokassa sera chassé par nos paras, c'est chez Kadhafi qu'il ira provisoirement trouver refuge. Puis il y a le Tchad. Et là aussi, du point de vue français, le colonel a passé la mesure, car il soutient maintenant militairement les rebelles du Tibesti. C'est-à-dire au nord du pays. Et donc traite de cette fameuse bande d'Aouzou. C'est donc pour toutes ces raisons que l'Élysée décide d'accélérer. Et ça se fait en plusieurs étapes. La désinformation, d'abord. On fait courir le bruit que Kadhafi a été victime d'un attentat et qu'il a été blessé. Ouais. Faux. Mais attendez, l'objectif poursuivi? Faire savoir à tous les opposants libyens que le colonel n'est pas intouchable. Ensuite, on met au point une opération beaucoup plus audacieuse. La liquidation physique de Kadhafi. Mais là, il me faut être très prudent parce que rien n'a jamais été établi avec certitude. Cette prudence d'or, elle est pas si fréquente. Écoutez, je vous en prie, je ne crois pas avoir été souvent démenti. Admettons. Alors, cette tentative d'assassinat... Les services secrets occidentaux apprennent que Kadhafi doit se rendre en avion à Varsovie. Et il aurait été décidé d'abattre son avion. J'observe que vous employez le conditionnel. Oui, car encore une fois, cette affaire n'a jamais vraiment été éclaircie. Voyons toutefois ce qui s'est sans doute passé. Un ou plusieurs chasseurs positionnés sur une base de l'OTAN en Sicile sont prêts à passer à l'action dès que la nouvelle du décollage de l'avion du colonel sera annoncée. Et ces chasseurs-là sont de quelle nationalité? Français, américain, britannique ou même italien, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, ce sont des appareils occidentaux et la suite le prouvera. Mais pourquoi? Une seconde, laissez-moi poursuivre. Quand le feu vert est donné, le ou les chasseurs décollent, mais tout se complique quand ces avions se trouvent pratiquement nez à nez avec deux MiG-23 libyens. Et d'où viennent-ils, ceux-là? À mon avis, ils escortent l'appareil qui transporte Kadhafi. Oui, une escorte de protection. Oui, certainement. Mmh. Et immédiatement, la bagarre s'engage. une bataille inégale parce que les Libyens ne sont pas de force face à des chasseurs occidentaux modernes. Et là, au moins, des appareils libyens pour échapper à son ou ses agresseurs va ruser. Il profite du passage d'un DC-9 commercial italien pour tenter de confondre sa trace thermique avec celle de ce dernier avion. Mais attendez, c'est la tragédie d'Oustika, là, que vous me racontez. Exactement. Alors, permettez-moi, là, une parenthèse. Il se trouve qu'il y a pas si longtemps, un auditeur qui séjourne en Allemagne, monsieur Bezuel, si je me souviens bien, m'a demandé si vous aviez des lumières sur le crash inexpliqué de ce DC-9, hein, un crash qui s'est produit au nord de la Sicile, près de la petite île d'Oustika. Alors j'espère qu'il se satisfera de mon hypothèse. J'espère. Mais reprenons. Ce MiG-23 donc essaye de leurrer son agresseur. Et lorsque celui-ci tire, son missile atteint non pas l'avion libyen, mais le DC-9 italien. Il y aura plusieurs dizaines de morts. Ouais. Et vous m'avez annoncé des éléments de preuve. Hein? J'y viens. Ouais. La première, c'est le crash d'un des MiG-23 libyens, à peu près au moment où le DC-9 a péri en mer. Il s'est écrasé pas très loin, en Calabre. Curieuse coïncidence, non? Et ce MiG aurait été abattu? Vraisemblablement. Ouais. À moins qu'il n'ait effectué une fausse manœuvre pour échapper à ses assaillants. Mmh. Mais est-ce qu'on ne peut pas imaginer que c'est l'un des deux MiG qui a tiré sur le DC-9 italien? On en a effectivement parlé, comme on a évoqué la possibilité de la présence d'une bombe à bord. On a aussi noté que, curieusement, les radars locaux ne fonctionnaient pas ce jour-là. Mais c'était vrai? Non, on s'en est rendu compte longtemps après. Il y a eu une volonté de falsification. Et les spécialistes qui ont alors examiné les enregistrements des radars ont observé la présence de plusieurs avions dans le ciel de Sicile. Ouais. Ouais, alors cette histoire de radar, c'était donc un trucage pour masquer une vérité bien embarrassante? Je le pense, oui. Et la preuve, la vraie, a été obtenue beaucoup plus tard quand un juge obtiendra qu'on remonte la carcasse du DC-9. Des experts en examinant les débris en concluant que l'appareil a été abattu par un missile. Un missile qui n'est pas utilisé par l'aviation libyenne, mais seulement par les chasseurs de l'OTAN. J'ajoute que l'enquête judiciaire traînera pendant des années. Avec quel résultat? Dans ses conclusions, le juge d'instruction italien écrira que le DC-9 a été abattu par erreur au cours d'une bataille aérienne. Oui, c'est pas mouillé, parce qu'il n'a pas été plus précis sur l'identité des protagonistes. Non. Ensuite, il y a certainement eu un procès, mais j'avoue, je n'en sais pas plus. Alors, je reviens là. L'auditeur qui m'a écrit affirme qu'un général italien qui effectuait la liaison avec les services de l'OTAN et qui était un témoin clé de cette affaire a été assassiné dans les années 90 à Bruxelles. Vous le saviez-vous? Non, j'avoue tout ignorer de cet aspect de l'affaire, mais j'essaierai d'en savoir plus. Je compte, hein. En tout cas, ce qui est notable, c'est que Kadhafi, lui, est arrivé à bon port à Varsovie. Grâce à cet engagement aérien, son appareil a pu poursuivre son vol sans encombre. Bon, c'est donc un nouvel échec pour ceux qui voulaient le supprimer. Oui, mais qui ne renonceront pas pour autant. Il y aura encore une tentative de complot directement pilotée par nos services secrets. Mais Kadhafi, décidément bien protégé, étouffera dans l'œuf ce putsch en préparation. Ça coûtera d'ailleurs très cher à l'officier du SDEC qui était à l'initiative de ce projet. C'est-à-dire? Il sera purement et simplement limogé. Toutefois, en 1981, les services occidentaux, en liaison avec les Égyptiens et même les Israéliens, vont concevoir une opération d'envergure pour renverser Kadhafi. Mmh. Vous avez parlé des services occidentaux. Alors, la CIA en est donc? Oui. Reagan est entré à la Maison Blanche au début 81, et ça change tout. Avec l'arrivée de Ronald Reagan à la Maison Blanche, la politique états-unienne va en effet changer radicalement. Et voici comment l'analyse Stanley Hoffman, un célèbre professeur de Harvard, dans un numéro du Monde diplomatique de juillet 1986. Lorsque, en 1981, M. Ronald Reagan devient président, il semblait devoir apporter à la politique étrangère des États-Unis un grand nombre d'innovations moins par rapport à la dernière année de la présidence de Carter, marquée par la reprise de la guerre froide et par l'accroissement du budget de la défense, que par rapport aux années 69-79, celles de la détente. Parmi les idées que le premier secrétaire d'État de M. Reagan, le général Haig, annonçait comme désormais décisives, figurait la priorité à la lutte contre le terrorisme. Elle devait, disait-il, remplacer celle que M. Carter avait paru donner aux droits de l'homme. Avant tout, l'idéologie réganienne, soutenue tant par la droite du Parti républicain que par les intellectuels néoconservateurs, envisageait les relations internationales sous l'angle du conflit entre les États-Unis et l'URSS, jugés responsables de la plupart des désordres régionaux, soit parce qu'elle les avait provoqués, soit parce qu'elle les exploitait. Enfin, la stratégie d'endiguement de l'URSS était une fois encore, comme par John Foster Dulles en 1952, et bien que d'un autre point de vue par Henry Kissinger en 1969, jugée insuffisante. Une lutte plus vigoureuse contre l'expansionnisme de l'URSS et des alliés de Moscou était annoncée. C'est donc dans le contexte de ce changement de politique qu'il faut écouter la suite du propos de M. X. Pour Reagan, c'est clair, Kadhafi est une sorte de communiste fou, ce qui n'empêche d'ailleurs pas de faire des affaires, au moins jusqu'en 1983-84. Mais il est vrai que dès son arrivée au pouvoir, le nouveau président est très sensible à toute initiative qui pourrait nuire au colonel libyen. Et vous m'avez parlé d'un projet d'envergure. Et il semble me souvenir que vous en avez déjà parlé. Oui, alors résumons. Ce projet implique la CIA, le SDEC et les services égyptiens et israéliens qui, depuis les accords de Camp David, peuvent désormais travailler ensemble. Oui, mais de quoi s'agit-il exactement? Le point de départ, c'est une supercherie. Une fausse attaque libyenne en territoire égyptien. Ah, mais comment, là? C'est très simple. Des chars de fabrication soviétique, comme ceux qui équipent l'armée de Kadhafi et qui sont peints en couleur libyenne, sont déposés dans le désert égyptien, pas très loin de la frontière entre les deux pays. Et on fabrique de toutes pièces un simulacre de combat. Des journalistes sont transportés sur place. Ah oui, parce qu'il y a des journalistes invités à constater la réalité de cette pseudo-agression libyenne. Ah, naturellement. J'ajoute que le scénario prévoit aussi la présence de quelques cadavres revêtus de l'uniforme libyen. Des cadavres, oui. Quand on veut bien se donner la peine, on trouve toujours ce qu'on cherche. Alors les Égyptiens avaient le choix, condamnés, exilés, libyens. Mais passons, si vous le voulez bien. L'important, c'est la deuxième phase de l'opération. Pour riposter à l'agression libyenne, des mirages portant des cocardes égyptiennes attaquent la Libye, bombardent la capitale Tripoli et les principaux centres du pouvoir, tandis que des exilés infiltrés proclament le renversement de Kadhafi. Et attendez, là, ces mirages aux couleurs égyptiennes Ce sont en réalité des appareils israéliens maquillés, pilotés par des Israéliens. Un dernier détail, le plan prévoit que plusieurs bâtiments américains croiseront au large des côtes libyennes. Au même moment, oui. Mais à ma connaissance, ce plan ne sera jamais appliqué. C'est parfaitement exact. Alors pourquoi? S'il y a eu des changements à Washington, il y en a aussi à Paris. Alexandre Mitterrand, c'est ça? Oui. Et pour Washington, c'est une vraie tuile. Car les Américains n'avaient à aucun moment envisagé l'élection en France d'un président de gauche. Mitterrand est informé de l'existence du plan anti-Kadhafi par Giscard d'Estaing lors de la passation des pouvoirs. Vous en êtes certain, ça? Absolument. Dans ses mémoires, le président Giscard d'Estaing a reconnu qu'il avait été question de la Libye lors de l'entretien qu'il avait eu avec son successeur. Ça a été aussi confirmé par Jacques Attali, le sherpa de François Mitterrand. Oui, j'imagine que le président socialiste n'est pas enthousiaste. C'est moi qu'on puisse dire. Oui, l'opération avorte. Mais pourquoi? Parce que les autres partenaires ne pouvaient pas se passer de la collaboration des services français? Ah si, ils le pouvaient. Mais ils ont estimé que la présence à l'intérieur du gouvernement français de ministres communistes représentait un risque. Il pouvait y avoir une fuite en direction de Moscou. Et ça aurait fait capoter toute l'opération qui ne reposait que sur la crédibilité de cette prétendue agression libyenne en Égypte. Nous en avions parlé à l'époque. Cette affaire aura une conséquence dramatique. Quoi? L'assassinat du président égyptien. Anwar el-Sadat, quelques mois plus tard. Une vengeance de Kadhafi? Je crois, oui. Il y aurait donc quand même eu une fuite. C'est très probable. Kadhafi avait l'œil sur ses compatriotes exilés. Oui, au besoin, il les faisait assassiner. Oui, alors l'un de ces types a dû parler. Ensuite, ça n'a pas été trop difficile de persuader quelques extrémistes islamistes qui n'avaient toujours pas digéré Camp David d'exécuter Sadat. Mais je m'éloigne. Si Mitterrand, et malgré les gesticulations libyennes au Tchad, décide de mettre un terme aux actions secrètes contre Kadhafi, Reagan, lui, n'est pas décidé à en rester là. Mais pourquoi cette obsession? Parce que c'en est une, là. Oui, parce que le président américain a placé au centre de son action la lutte contre le communisme et le terrorisme. Et dans son esprit, c'est lié. Oui. Washington considère alors de façon assez simpliste que c'est l'Empire soviétique qui nourrit le terrorisme, sans s'interroger un seul instant sur les véritables racines de ce terrorisme. C'est-à-dire, en gros, le conflit du Proche-Orient. En premier, bien sûr. Mais alors que les prédécesseurs de Reagan s'étaient impliqués fortement dans le règlement de ce conflit. Jimmy Carter, surtout. Ouais. C'est juste. Ouais. Reagan, au contraire, fera preuve d'une extraordinaire passivité. Puis il y a la guerre Irak-Iran. Elle se joue de façon atroce sur le terrain, mais pas seulement. De nombreux attentats sur notre sol, en particulier, seront directement liés à ce conflit. Sans parler des prises d'otages au Liban ou des attaques meurtrières contre les forces américaines et françaises au Liban encore. Ouais, c'est notre soutien à l'Irak qui est mis en cause. Et aussi notre refus d'honorer le contrat Eurodif passé avec l'Iran. Mais je n'insiste pas, tant nous avons souvent évoqué ce sujet, alors je reviens à ce que je voulais dire. Reagan va considérer assez rapidement que Kadhafi est l'ennemi numéro un de la paix dans le monde. Attendez, il y croit ou il feint de le croire? Bonne question. Bien franchement, je ne sais pas. Je vous trouve bien modeste aujourd'hui. Honnête, c'est tout. Je vais quand même essayer de vous répondre à ma façon. Au fond, peu importe ce que pense Reagan. Ce qui compte, c'est que ça arrange bien le président américain de présenter ainsi Kadhafi. La personnification du mal, comme vous disiez tout à l'heure. Oui, oui. On peut pas s'empêcher de penser à Bush. Il y a des similitudes troublantes entre les systèmes de pensée des deux présidents. Ouais, tous les deux républicains et ultra-conservateurs. C'est évident. Bush prie avant chaque réunion. Et Reagan voulait que dans les écoles, on enseigne parallèlement au darwinisme le créationnisme, tel qu'il est décrit dans la Genèse. Mais encore une fois, je m'éloigne. Oui, un peu, mais enfin... Permettez-moi quand même de me faire l'avocat du diable. Kadhafi a toutefois donné de nombreuses preuves de son implication dans des actions terroristes. C'est vrai. Et avant même le durcissement des rapports entre son pays et les États-Unis, il a soutenu et protégé des terroristes notoires comme Carlos ou Abu Nidal. Abu Nidal, dont un jour, vous avez promis de me parler. Oui, je tiendrai ma parole. Et assez rapidement, si vous le voulez bien. Donc Kadhafi était loin d'être blanc-bleu. Il a aussi sans doute financé en Europe même des organisations terroristes comme l'ETA ou l'IRA. Et le... FNC, quoi ? Oui, je sais qu'on en a parlé, mais ça me paraît plutôt relever du folklore. Donc, je ne mésestime pas la capacité de nuisance de Kadhafi. Mais de là à tout lui mettre sur le dos, non. Non, car il existait d'autres pays tout aussi dangereux, et même plus dangereux. Lesquels ? L'Iran, déjà cité, mais aussi la Syrie, par exemple, ou encore l'Irak. Oui, mais c'est la Libye sur laquelle Ronald Reagan fait une fixation, c'est bien ça ? Oui, et ça s'explique très bien. Alors, je vous écoute, là. Bon, c'est très simple. La Libye est d'abord un petit pays. 3 millions d'habitants à l'époque. Un pays aussi relativement isolé, car en bisbille permanente avec ses voisins. En outre, la Libye disposait certes d'un armement considérable, mais relativement fruste. Ouais, l'armement livré par l'URSS. Et l'URSS, justement, je vous ai déjà dit que les relations entre Kadhafi et Moscou n'étaient pas excellentes. Ça signifiait donc que si les États-Unis tentaient d'attaquer la Libye, l'URSS ne se donnerait pas la peine de venir à son secours. Tout juste émettrait-elle des protestations diplomatiques. Bon, alors je résume. Une opération militaire contre la Libye ne présentait pas de gros risques. Hein, c'est bien ce que vous voulez dire. Exactement. Ouais. Alors, encore une fois, on ne peut pas s'empêcher de faire des comparaisons avec l'actualité récente. Hein. En décidant d'attaquer l'Irak, Bush n'a pas choisi de briser le pays le plus dangereux pour la sécurité internationale, surtout depuis qu'on sait avec une quasi-certitude que Saddam Hussein ne détenait pas d'armes de destruction massive. Ouais, non, je suis d'accord avec vous. Des pays comme la Corée du Nord ou l'Iran et même le Pakistan sont autrement plus dangereux. Mais Bush, comme Reagan, avant lui, voulait à tout prix prouver qu'il engageait la lutte contre le terrorisme après les attaques du 11 septembre. Et c'était plus facile de s'en prendre à l'Irak qu'à l'Iran ou à la Corée du Nord. Mais pour en revenir à la Libye, il fallait bien préparer les choses et justifier assez cyniquement une éventuelle attaque contre Kadhafi. Et je me propose de vous en parler lors de notre prochaine rencontre. Pourquoi la Libye et pas la Syrie ou l'Iran ? Dans Le Monde diplomatique de mai 1986, Paul-Marie de la Gorce donne son analyse qui rejoint celle de M. X. Que les États-Unis aient concentré leur action sur ce pays s'explique donc aussi par d'autres raisons. Celles-ci pourraient être de nature stratégique ou, si l'on préfère, géopolitique. L'administration américaine, en effet, met souvent en évidence l'implication dans le terrorisme européen d'autres pays tels que la Syrie et l'Iran. Ce n'est pourtant pas contre eux qu'elle a lancé ses bombardiers, mais contre les côtes libyennes. La Syrie dispose d'un redoutable arsenal de missiles antiaériens et d'une assistance militaire soviétique qui est l'une des plus importantes hors des frontières de l'URSS. Et l'Iran, le plus grand et le plus peuplé des pays de la région, engagé dans un formidable effort de guerre contre l'Irak, est relativement moins accessible aux bombardiers américains. La Libye, au contraire, est évidemment le plus faible de tous les pays de la rive sud de la Méditerranée. Kadhafi.